Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les louanges reviennent à Allah seul. Que soit couvert d'éloges et de salut, celui après qui il n'y aura plus de prophète. Cela étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous en référer aux ulama, de leur obéir dans le cadre de son obéissance, de revenir à eux, notamment lors des situations critiques et des périodes de troubles, et de les questionner lorsque nous ne savons pas. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans la traduction approchée du sens de sa parole, questionnez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Cela s'opère par le fait de leur soumettre nos questions et de leur exposer les situations dans lesquelles nous nous trouvons et à propos desquelles nous ne savons pas comment agir. Cela doit se faire auprès des ulama de la sunna, reconnus par leur père pour leur piété, leur savoir et leur habilitation à délivrer des fatwas. Malgré le caractère basique de ces quelques principes, on peut remarquer que plusieurs agissements qui y sont contraires se répètent dans les rangs des gens de la masse, y compris de ceux qui, parmi eux, se réclament de la sunna et de ses adeptes. Parmi ces manières d'agir, premièrement, questionner des personnes qui ne sont pas habilitées à répondre. Le cas de ces dernières étant d'autant plus grave lorsqu'elles répondent d'elles-mêmes en prétendant ne faire que transmettre les fatwas des ulama, donnant ainsi à leur réponse un poids qu'elles n'ont pas et faussant par la même occasion le discours des gens de savoir. Deuxièmement, aller chercher directement la réponse aux questions qui se posent dans les livres des ulama, dans leurs compilations de fatwas ou dans les sites internet réunissant les dites fatwas. À ce propos, le Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, a dit dans Muqaddimat fil fiqh al-Islami, Al-Shatibi, dans ses fatwas, a attiré l'attention vers un point soulevé par d'autres gens de savoir, tels qu'Ibn Salah, également dans ses fatwas, à savoir qu'il n'est pas permis à l'individu lambda de consulter les ouvrages de fiqh ou les recueils de fatwas émises par les ulama et de les appliquer sur sa propre personne. Cela est dû au fait qu'il n'a pas atteint le degré de savoir l'habilitant à comprendre correctement le discours des ulama et à statuer du fait qu'il s'applique à tel événement ou à tel cas de figure. Agir ainsi compte certes parmi les erreurs dans lesquelles bon nombre de gens tombent. Il est possible que le savant ait basé son discours ou sa fatwa sur des éléments dont l'individu lambda en question n'a pas connaissance, ou qu'il ait pris en compte des paramètres avant de délivrer son jugement auquel le dit individu n'a pas été attentif. L'obligation incombant à ce dernier est de revenir vers le ulama en qui il a confiance, que ce soit au niveau de leur savoir ou de leur mérite, puis qu'ils suivent leurs propos. Al-Shatibi, décédé en 790 de l'Hégire, a dit « Il n'est pas permis à l'individu lambda qui n'a pas étudié de livres et n'a pas appris de fiqh de prendre les ouvrages consacrés au fiqh, de les lire seul et de délivrer des fatwas selon ce qu'il y aura acquis comme savoir. » Fin de citation des propos d'Al-Shatibi et par la même occasion, fin de la citation des propos du noble Cheikh Mohammed Bazmoul, qu'Allah le préserve. Il est également un point vers lequel il convient d'attirer l'attention concernant les sites regroupant les fatwas. En effet, compiler des fatwas requiert certaines compétences au niveau du choix de leurs auteurs, de la sélection des sujets à aborder, de la connaissance des fatwas à diffuser ou à ne pas diffuser, de la connaissance des avis délaissés par le savant qui les a soutenus à un moment donné, au profit d'autres avis qui, par la suite, lui sont apparus plus forts. D'ailleurs, les recueils de fatwas de référence sont composés par des gens de savoir, comme est le cas à titre d'exemple de Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. L'entreprise étant d'autant plus périlleuse lorsqu'il s'agit de traduction, auquel cas il faut également être habilité à distinguer les bonnes et mauvaises traductions. Or, on peut constater que certains sites internet publie aussi bien des fatwas de ulama que de personnes non connues par le fait d'être habilitées à en délivrer, ou encore aborde tous les sujets, y compris les plus sensibles et périlleux, nécessitant des réponses spécifiques, problèmes conjugaux, divorce, garde d'enfants, etc. On peut également faire le constat inquiétant qu'un certain nombre d'internautes font de ce genre de site une référence et se contentent d'y effectuer une brève recherche pour trancher à propos de situations problématiques dans lesquelles ils se trouvent ou pour régler un litige qui a pu survenir entre eux et leur entourage. On peut également mentionner le fait que ces sites diffusent des fatwas contenant des avis faibles, voire des erreurs, et parfois plusieurs fatwas soutenant des avis opposés à propos d'un seul et même sujet. Voilà donc l'exposé résumé de quelques points auxquels il est impératif d'être attentif et qu'il est important d'assimiler. C'est certes Allah qui prodigue la réussite et guide sur le droit chemin, qu'Allah couvre d'éloge et salue son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et les louanges reviennent à Allah, le Seigneur souverain des mondes.